Sixième partie, chapitre 19e, la maîtresse de la mer. Toute surprise d'abord et muette un instant, Mélicente ne put s'empêcher de sourire quand son esprit rassembla ces coïncidences bizarres, le propos de l'arabe, le cours qu'avaient pris ses propres pensées, l'apparition inopinée de Robinson. Ces avertissements d'une approche, si fréquents qu'ils doivent être explicables par l'action de quelques fluides encore ignorés des physiciens, amuse comme un tour de magie blanche notre goût du merveilleux. De là le sourire dont s'accompagnèrent les premières paroles de Madame Fianona. Vous avez fait bon voyage. On ne vous attendait pas au Caire avant demain soir. Et ça c'est étrange. À la minute même où vous arriviez, cet homme prononçait votre nom et me faisait penser à vous. Moi aussi, dit Archibald, je pensais à vous. C'est pourquoi je suis venu. Sa voix était grave. La tranquillité voulue du débit contrastait avec l'effort pénible de certains mots qui semblaient s'arracher à regret de sa bouche. Ainsi jaillit sous une forte pression la source expulsée du réservoir souterrain. « En vérité, continua-t-il, je ne croyais pas que je serais dans la nécessité de vous dire ce que je suis venu vous dire. Mais puisqu'il faut que je parle, » il appuya avec un accent presque colère sur ce mot « il faut ». Je dirais simplement, comme je sais, un homme qui n'a aucune habitude de ces sortes de conversations. Il fit une pause. Après une longue aspiration d'air, comme s'il allait plonger dans une eau très profonde, il reprit. Vous connaissez mes idées, mes principes. Celui qui nous choisit pour instrument de ses œuvres sans nous consulter m'a imposé de lourds fardeaux. Les choses qu'il a voulu de moi et où j'ai réussi m'ont contraint à tendre violemment tous les ressorts de mon activité. Dans les grosses tâches qui m'occupent, il y en a qui sont pour mon amusement, je pense, et que j'aime comme un sport très récréatif. D'autres sont utiles autant que j'en puisse juger, profitables à une grande communauté plus encore qu'à moi-même. La constante application qu'elles exigent a suffi longtemps à me satisfaire. Elle m'a soutenu dans une circonstance très affligeante, la perte de Mrs. Robinson, malheur qui m'a laissé plus seul qu'il ne convient dans la société des hommes. Le cœur y est quelquefois serré quand on ne peut dire à une personne « Je m'endormirai sur votre épaule avec une confiance absolue, Marie. » Mrs. Robinson s'appelait de son nom Marie. Je n'ai plus cela. Mon grand entraînement de travail m'a protégé, avec la grâce de notre gardien à tous, contre cette vilenie, la débauche et ses bêtises, les flirts. Je ne suis plus très jeune. J'étais convaincu que les femmes, dont j'apprécie beaucoup l'aimable compagnie, ne seraient désormais pour moi que des agréments inoffensifs, comme mes tableaux, mes fleurs. L'homme occupé qui se laisse détourner de son but par leurs artifices n'est bientôt plus bon qu'à filer la quenouille, n'est-il pas vrai? Ce terrible danger ne vous menace pas, dit d'un ton enjoué Madame Fianona. Elle écoutait avec attention, avec le soulagement de voir qu'il n'y avait rien de trop gênant dans le tour que prenait l'entretien. Ses confidences, elle les avait déjà entendues au cours des causeries où ils s'abandonnaient volontiers, dans la bonne camaraderie de leur premier voyage sur l'océan. Elle regretta vite l'imprudent défi de sa plaisanterie. Archibald se rapprocha d'elle. Du fond des orbites caves, les claires prunelles dardèrent un regard où Millicent retrouva le magnétisme inquiétant qu'elle y avait vu un soir dans la clarté des lampes au pied de la tour de chaussée. D'un mouvement brusque et autoritaire, il prit le bras de la jeune femme, l'entraîna dans l'allée. « Vous m'avez fait penser différemment, chère madame. J'ai goûté tout d'abord auprès de vous un très vif plaisir. Vos malheurs m'ont intéressé. J'aurais voulu vous être utile, agréable. J'éprouvais, en vous regardant, le sentiment que m'inspirent certains beaux pays abandonnés dont j'ai assumé l'exploitation. Je les prends en affection. Je me persuade que j'ai charge de les mettre en valeur, que j'en suis responsable. Ainsi de vous. Je vous l'ai dit un jour, j'aurais voulu être l'arbitre de votre destinée. Je croyais avoir trouvé un très bon arrangement avec cet homme qui avait de réelles qualités qui paraissaient vous plaire. Et quand vous vous y êtes prêté, j'ai vu aussitôt que cela ne pouvait pas aller. Pourquoi ? Interrompit-elle d'une voix redevenue sérieuse. Mais d'abord parce que cet homme ne veut pas entendre son intérêt, ni le vôtre. Et le voilà qui a disparu, me dit-on, qui renonce à vous. Qu'en savez-vous? Moucheron a reçu quelques mots de lui à Suez. des lignes faites pour m'être montrées, si j'ai bien deviné. C'était d'abord un défi qu'il m'apportait, sur le terrain où nos intérêts auraient dû s'allier. Et il ajoutait à peu près ceci. « Je suis plein d'entrain, tout à mon affaire. Je laisse à d'autres les sottes distractions où j'ai failli m'oublier. Je souhaite qu'ils trouvent grand plaisir à voyager en compagnie galante. Je ne le leur disputerai pas. Peut-être ne me reverrez-vous pas de longtemps, mon cher, en ce cas. Suivez des commissions dont il le chargeait pour diverses personnes à Paris. Hein ?» fit Millicent pensive. « D'ailleurs, ne m'avez-vous pas déclaré que votre situation si précaire et son obstination à ne pas améliorer la sienne rendaient tout projet d'avenir impossible entre vous et lui ?»« On ne renonce pas toujours à l'impossible, » soupira-t-elle. « Non, je vous le répète, j'ai vu que cela ne pouvait pas aller, même s'il avait eu le bon sens d'accepter mes offres obligeantes, des offres que je ne lui referai plus aujourd'hui. Vraiment ? Pourquoi ? Parce qu'il ne m'est pas indispensable pour la besogne dont il fait fi. J'ai sous la main un instrument plus commode, et surtout parce que... » Elle sentit un frissonnement du bras d'Archibald sur le sien. La voix se fit rauque et l'effort pour parler plus visible. « Parce que j'ai compris que je donnais mon bien, qui m'était très nécessaire à moi, que je serais trop malheureux si vous étiez heureuse avec cet homme. J'ai durement travaillé. J'ai peut-être le droit d'essayer d'être heureux moi aussi. » J'ai compris que je vous aimais beaucoup, chère madame. Cela est devenu tout à fait évident pour moi durant ce voyage. J'aime regarder la grande mer, ma chose, et quand vous étiez à mon bord, je vous regardais de préférence. Elle me faisait moins de plaisir que vous. Quand vous avez quitté ce bord, je ne voyais plus la mer, je voyais la place où vous aviez été. Sachez que j'ai lutté courageusement, je crois, avant de m'avouer vaincu, lutté plus encore avant de me décider à vous parler. Je me suis fait de toute ma volonté un bâillon pour ne pas me trahir le soir où vous m'avez surpris écoutant votre chant. Mais un être raisonnable doit connaître la limite de ses forces. Il m'est apparu clairement que je ne vaudrais plus mon sel, que je serais incapable de tout travail utile si je continuais à me torturer dans cette contrainte. En mer Rouge, ces imbéciles me croyaient malade, tant j'étais au-dessous de mon niveau habituel. Les affaires m'appelaient ailleurs. Je n'ai pu dominer mon impatience. Il fallait en finir. J'ai tout laissé. Je suis accouru pour vous dire ceci. Je vous aime beaucoup, vraiment beaucoup, cher ami. Il y a dans votre faiblesse un charme contre lequel toute la force qu'on m'accorde est sans défense. Ce que je viens vous dire, votre fierté peut l'entendre. Voulez-vous prendre, cher Archibald Robinson, la place que Mary a laissée vide ? Voulez-vous que je pose avec confiance ma tête sur votre épaule ? Je pense que je serai pour vous un compagnon très sûr, très fidèle. Je crois que je vous ferai une vie très confortable. En vérité, je vous aime beaucoup, cher ami, et celui qui châtie les paroles menteuses sait que vous êtes la seule à qui j'ai dit cela. Oh, c'est mieux maintenant, bien mieux. Il fallait que je vous dise ces choses. » Il respira, soulagé, la regarda en face. Les yeux n'étaient plus durs, volontaires encore, mais comme ceux de l'enfant habitué à ce qu'on ne lui résiste pas et qui attend ce qu'il a demandé, ce qu'il désire violemment. « Je suis très honoré, très touché, » répondit Madame Fianona, avec une absence d'embarras dont elle s'étonnait intérieurement. « Mais votre proposition flatteuse est bien imprévue, et elle vient trop tard. Quand le hasard nous a réunis, cher monsieur, après un début orageux, j'ai pris un vif intérêt à nos entretiens. Je me sentais attiré vers vous par une vraie sympathie. Vous y avez répondu en me faisant entendre que vous me sauriez gré d'apprivoiser ce jeune officier. Permettez-moi de ne pas changer d'idée aussi vite que vous. Ne vous moquez pas. Je vous ai dit combien j'ai lutté contre moi-même. Continuez puisqu'il est trop tard. Mais dès lors qu'il ne peut plus être question de ce garçon, fit-il avec un accent et un geste d'impatience. Pour vous peut-être, en ce qui me touche. Ce sont la chose dont seul je suis juge. L'évidence vous contraindra bientôt à en juger comme moi. Alors je vous répondrai que la solitude ne me pèse pas. Je ne vous presserai pas davantage aujourd'hui, dit-il en maîtrisant d'assez mauvaise grâce l'humeur que lui donnait cette défense ironique. Je vous demande seulement la permission de vous répéter ce que je vous ai dit ici lorsque vous serez mieux disposé à m'écouter. J'espère vous y disposer en saisissant toutes les occasions de vous prouver mon dévouement. Il y avait de la soumission, de l'humilité dans ces derniers mots. Il n'y en avait point dans le ton de celui qui les prononçait. Millicent crut sentir une arrogance de volonté, une certitude tranquille de vaincre dont elle fut froissée. « Mon bien, » avait-il dit. Il parlait en propriétaire qui remet la main sur son bien. « Je crains que ce ne soit inutile, » répliqua-t-elle. « Mais puisque vous voilà raisonnable, causons de bonne amitié, comme naguère, revenons à des sujets moins personnels, à ceux sur lesquels j'ai toujours plaisir à vous entendre. Vous ne voudriez pas me gâter cette belle soirée? Voyez comme le Nil est ravissant aux dernières clartés du jour. » C'était le moment où il semble que les grandes voiles emportent la lumière mourante dans le linceul où ces blancs fantômes la roulent silencieusement. « Très beau fleuve, en effet, » dit Archibald, « mais irrégulier et mal gouverné. Vous verrez bientôt tout ce que nous lui ferons rendre. Je suis très occupé de ce grand travail que je voudrais prendre en main, la canalisation du Nil depuis ses sources. Connaissez-vous le projet Wilcox? Admirable. Il ferait du Nil un long boyau d'arrosage de 7 000 km. On tournerait un robinet au grand lac, et des millions d'arpents mis en valeur nourriraient le monde entier de leur riz, l'habilleraient de leur coton. Le fleuve vaudra 10 fois plus quand son lit aura été régularisé par l'ingénieur. « Vraiment, » fit sans conviction Millicent. « J'espère que vous ne détruirez pas ma chère île de Rhoda, comme ont fait celle de Philae. » « Non, certes, et je suis content que vous aimiez cette île, puisque j'aurai le plaisir de vous l'offrir. J'en négocie présentement l'acquisition. On pourrait y bâtir une demeure splendide, ce qu'il y aura de mieux au Caire. J'ai déjà mon plan, raser toutes ces vieilles baraques, faire disparaître ces jardinets, les remplacer dans toute la largeur de l'île par de grandes pelouses comme celles du golfe de Gésirée. Ce sera très élégant, n'est-ce pas? Et pour l'habitation, je voudrais rivaliser avec cette incomparable maison de la résidence française. Aimeriez-vous un palais arabe authentique, pareil à celui que l'on a recréé dans la maison de France? Aujourd'hui, ça ne sera plus aussi facile. Les mosquées ne sont plus au pillage, comme jadis. Heureusement, on m'en a signalé une, très richement ornée avec des plafonds peints et sculptés, des portes de bronze ciselé, des faïences émaillées à foison, des marbres de couleur, des lampes précieuses. On y trouverait l'équivalent des merveilles accumulées par le collectionneur qui a cédé sa maison à la France. C'est la mosquée El Mouyayad. Elle est en très mauvais état, elle menace ruine, et l'on balance, paraît-il, entre deux parties, l'abattre ou la restaurer. Avec une somme convenable, j'espère faire tourner les choses de façon que tous ces beaux bibelots viennent orner votre futur palais de Rhoda, cher ami. » Madame Fianona frémit intérieurement. Tout ce qu'elle entendait révoltait les délicatesses du goût inné chez l'Italienne, son sens héréditaire des harmonies d'art, son pieux amour des reliques du passé. D'un seul coup, ce profanateur qui voulait lui plaire trouvait moyen de saccager les deux joyaux de nature et d'art qu'elle aimait le plus dans cette ville. Il lui sembla qu'on la dépouillait de ses bijoux pour les refondre et lui rendre transformée en un stupide lingot. « Le mur, » songea-t-elle, « sur Rhoda, sur El Mouayad. » « Mais vous préférez peut-être un palais dans votre Venise ?» reprit galamment Archibald. « Nous en ferons restaurer un à votre choix. » Elle eut la vision rapide d'une hideuse façade neuve sur un canal grande qu'elle n'aimerait plus tant on la lui aurait dépoétisée. Et l'intuition d'un abîme que le pauvre milliardaire creusait entre elle et lui d'autant plus profondément qu'il y jetait d'horribles largesses. « Voici la nuit, » dit-elle. « Allons rejoindre nos amis. » L'arrivée de M. Robinson, ramenant Mme Fianona, fit sensation sur la terrasse de l'hôtel. La première, Louise de Banleuse, flaira du nouveau. Très vexée, elle dit à son mari « Voyez-vous cette petite sainte Nitouche qui accapare déjà notre nabab ? Ah, elle a bien caché son jeu sur le Neptune. Ils faisaient tous deux ceux qui ne se connaissent pas. Ils se rattrapaient après l'extinction des feux. Je l'ai entendu une fois, très tard, la poulette, qui chantait pour appeler son coq. » Banleuse approuva silencieusement. Il approuvait toujours les dires et les actes de sa femme. Louise pensa. « Eh bien, je ne m'avançais guère. J'anticipais seulement un peu quand je disais la bonne aventure à ce nigaud de Tournoël. » Le soir, en repensant aux péripéties de la journée, Millicent fut étonnée de ne pas l'être davantage. L'événement qu'elle pressentait depuis 6 mois s'était produit, autrement qu'elle ne l'avait imaginé, d'une façon un peu déconcertante, rassurante en somme, pluie d'orage où se déchargeait la nuée menaçante, longtemps suspendue sur sa tête, et qui avait enfin crevé, sans éclat de foudre, sans grêle. Elle se sentait libérée d'une attente angoissante et presque déçue. Et quoi ? Cette force prestigieuse qui naguère l'attirait et l'effrayait, ce n'était que cela. Elle ne la craignait plus, enhardie comme l'enfant, quand le gros chien de mine féroce qui aboyait au bout de sa chaîne est détaché quand il vient se coucher tranquillement au pied du gamin. D'autres sentiments se modifiaient en elle. Cette puissance qui lui plaisait de loin, lorsqu'elle en voyait le poids retomber sur les autres, Millicent en faisait moins de cas, maintenant qu'on essayait gauchement de l'exercer sur ses inclinations. Elle ne ressentait plus la séduction, si forte naguère, alors qu'elle disait à Madame de Lovrain « Il serait mon maître, il me ferait reine de la terre. » Même à ce prix, elle ne voulait plus de maître, pas de celui-là du moins. L'intelligence de Robinson l'avait intéressée comme un livre étranger qu'elle lisait avec curiosité. Elle n'y trouvait plus d'attrait, bien au contraire, aussitôt qu'on la voulait contraindre à mettre en pratique les maximes de ce livre. « Maladroit, concluait-elle, le plus inhabile des hommes a deviné mes goûts, mes idées. Toujours celui qui m'envoyait une cargaison de fleurs sur le paquebot après qu'il m'avait blessé au vif. Mais brave homme, au fond, il a dit certaines choses touchantes, avec leur accent de vérité, d'honnêteté, et qui m'auraient plu, dites par un autre. » Ses impressions se précisèrent et s'affermirent les jours suivants, dans les conversations où elle prenait un malicieux plaisir à provoquer Archibald aux gaucheries dont elle s'amusait, et même à certaines brutalités de nature qui ne l'épouvantaient plus, sûre qu'elle était de son pouvoir sur le monstre. Comme la première fois, à bord du bateau hambourgeois, la repentance qu'il montrait après ses saillies d'une violence native touchait et flattait Millicent. Dans la politique mondaine du financier, dans ses appréciations sur les hommes et les affaires, elle avait rarement surpris une faute de tact. Il semblait qu'il les gardât toutes pour son rôle mal appris d'amoureux. Elle lui sut gré pourtant de la réserve où il se tenait sur deux points délicats. Il ne fut plus question entre eux de Tournoël, et Robinson ne fit aucune allusion aux cruels embarras pécuniaires de la jeune veuve. Leurs entretiens n'avaient rien de confidentiel. Archibald en saisissait comme il pouvait l'occasion, dans le tourbillon de parties et de fêtes où ses compatriotes l'emprisonnèrent durant ces quelques jours. Il y marqua dès le premier moment son attitude de soupirant déclaré auprès de Madame Fianona. Il n'eut d'attention que pour elle. Sa préférence avouée donna vite le ton. Jusqu'alors, cette société luxueuse avait accueilli négligemment et traité sans beaucoup d'égard l'ami pauvre de la duchesse. Millicent n'avait pas ce genre de beauté triomphante qui tient lieu de fortune, d'esprit, de naissance, qui confère la royauté mondaine à certaines femmes riches de ce seul bien. Son charme, fait de grâce discrète, irrésistible sur les hommes qu'il avait une fois découvert et subi, s'insinuait doucement, ne s'imposait point aux inattentifs. Une politesse indifférente, c'était tout ce qu'on lui avait accordé. Elle en souffrait un peu. Trois jours après l'arrivée de Robinson, l'opinion était fixée dans la colonie américaine, dans les autres. Le maître du trafic mondial ne faisait pas mystère de ses intentions. Il allait convoler avec l'heureuse veuve. Elle serait prochainement la plus riche personne du globe. En un clin d'œil, elle eut une cour. Ce fut autour d'elle un assaut de prévenance, d'adulation, un accord tacite pour lui assigner la préséance dans toutes les réunions. Plaisir si nouveau qu'elle s'y complut avec une légère griserie, tout en souriant in petto du pronostic erroné dont elle bénéficiait. Elle se défendit mal de cette complaisance secrète. La première fois qu'elle surprit dans un chuchotement le titre qu'on accolait de confiance à son nom, la maîtresse de la mer. C'était à Saqqara. Mobilisée au grand complet, la bande américaine faisait cette excursion en compagnie de Robinson, qui allait examiner avec Jérôme Cruas le théâtre des fouilles. Un lunch copieux envoyé du Caire attendait les touristes dans la maison de Mariette. L'austère laboratoire de la science s'emplit d'un gai babil. On y vida des coupes de vin de champagne à la résurrection des pharaons. Madame Fianona, songeuse, accueillait plus durement que d'habitude les empressements d'Archibald. Elle pensait que sur cette même table, quelques jours avant, le cruel absent avait écrit la lettre douloureuse. N'avez-vous pas eu dernièrement la visite du capitaine de Tournoël ? Demandait-elle à Cruas. Oui, répondit l'égyptologue. et j'ai pu m'assurer que cet officier distingué méritait sa réputation. Bien peu parmi les visiteurs qui défilent ici ont compris comme lui du premier coup l'intérêt et la grandeur du vieux peuple que j'exhibe aux passants. Le capitaine paraissait cependant très absorbé, sans doute dans la méditation de l'aventure qu'il allait tenter sur les pas de mon ami le père Abel, mais il n'avait pas l'air d'un homme qui marche à la victoire. Quand il m'a demandé de quoi écrire, j'aurais juré que c'était pour rédiger son testament. Ce doit être un triste. On m'a conté que vous aviez exhumé ce soir-là une momie et qu'elle gardait sous ses bandelettes des fleurs de mimosa. Peut-on la voir ? Ah, la princesse mérite ! Je regrette, madame, mais elle est déjà au magasin du musée, dans un tas d'autres. C'est juste, fit Millicent. Elle a retrouvé sur terre le sort de toutes les femmes, mortes ou vivantes, on ne s'amuse d'elle qu'un moment. Cruas fixa sur la personne qui lui tenait ce propos son regard analytique de savant. L'instant d'après, il disait à madame de Lovrain « Qui est cette jeune femme ? Intéressante. Il y a du mystère des miennes dans son sourire. Elle serait digne d'être égyptienne. Je lui vois une vague ressemblance avec Amneritis, la fine reine d'albâtre que vous auriez admirée au musée. Celle dont la grâce chaste avait séduit le bon maître Mariette, au dire de nos anciens. » Monsieur Robinson écoutait attentivement les explications de l'égyptologue. Cruas insistait, avec une passion qu'il espérait rendre contagieuse, sur ce qu'il y avait selon lui de plus captivant dans ses trouvailles. Révélation d'un art accompli, clarté répandue sur l'histoire générale, induction philosophique d'une haute portée. Le financier, très neuf à cet ordre de connaissances, paraissait peu sensible aux émotions de l'esprit qu'on essayait de lui suggérer. Tout au plus, laissait-il percer sa convoitise avide de ces choses très anciennes, enviables parce qu'elles étaient riches de passé, du seul luxe qu'il ne put pas créer d'un coup de sa baguette d'or. Mais Cruas, ayant dit adroitement qu'il y avait là un monde à prendre, le grand accapareur saisit le mot au vol et commença de regarder ce plateau désert comme une valeur, un vaste champ d'exploitation qui devait lui revenir. Son intelligence lucide et pratique suivait, devançait le savant pour tout ce qui était travail technique des fouilles, divination des points qu'il fallait attaquer, emploi judicieux des ressources afin d'obtenir le meilleur rendement. Les deux hommes convinrent sur les lieux d'un plan d'ensemble que l'égyptologue soumettrait au capitaliste. Celui-ci s'engageait à faire les frais de l'exploration sur un périmètre déterminé. Il ajoutait « À la condition que l'on aille sur mon emplacement au plus profond, plus loin que l'on n'ait jamais allé sur les autres. » Millicent observait M. Robinson. Là, comme partout, il lui apparaissait supérieur par certaines facultés de l'esprit. Elle en eût préféré d'autres. Elle lui voulut exempt d'un travers qui gâtait d'intelligente générosité. Cette ostentation vaniteuse qui semble être le seul mobile de l'homme, alors même qu'il prenait un réel intérêt aux choses où il l'étalait. Comme la compagnie pénétrait dans la pyramide d'Ounas, il interrogea son guide. « Pensez-vous qu'il serait possible de démolir une de ces pyramides, d'en transporter les matériaux et de la reconstruire telle qu'elle en un autre lieu ?»« Je l'aurais parié, » souffla Louise de Banleuse à Moucheron. Le mastodonte pense à l'énorme tombeau d'où il étonnerait le monde après sa mort. Il voudrait s'offrir une pyramide d'Égypte dans un cimetière de New York. « Et quand cela serait ?» repartit Émile. « Les pharaons n'avaient pas de plus grands soucis leur vie durant. C'étaient des monarques très convenables, à ce que dit M. Cruas. « Ah, nous voici dans la chambre funéraire de la pharaonne. Parfait. Si le maître de la mer déménage une pyramide pour son usage, ce sera la chambre de la maîtresse de la mer, puisque nous allons en avoir une. » Ces mots parvinrent aux oreilles de Millicent, qui débouchait du couloir d'accès. Elle se les répéta mentalement, amusée. Moucheron plaisantait sur un sujet où il trouvait pourtant quelques motifs d'affliction. M. Robinson était amoureux, sur le point d'épouser Mme Fianona. Phénomène notoire à tous les yeux, et qu'il fallait bien admettre, si déconcertant qu'ils fussent pour la psychologie du financier qu'Émile s'était faite. Il se souvenait d'autre part de ce qu'il avait vu à Jossé. Tournoel ne serait pas content, on lui dérobait son bien. Or, le brave garçon se sentait une vive inclination pour le capitaine. Il eût voulu que tout s'arrangeât, que son patron et son héros fussent heureux. Le bonheur de l'un allait se faire au détriment de l'autre. Aussi, pourquoi diable Tournoel avait-il disparu au lieu de veiller sur sa belle? Enfin, il ne s'agissait que d'une femme, pour une de perdue, deux de retrouvée. Émile n'avait jamais pris au tragique les histoires de Cotillon. Il se disait que l'officier se consolerait vite de ce petit ennui ou qu'il en rappellerait aux dépens du mari Robinson. Il était d'ailleurs enchanté de la société américaine. Il y jouissait d'une situation des plus flatteuses à la suite de ses démêlés avec un citoyen de cette nation. Le duel de Moucheron et du dentiste est resté légendaire en Égypte. Éprouvé dans une de ses molaires, Émile avait eu recours à un praticien de Philadelphie qui opérait aux environs de l'Esbéquillier. Cet homme expéditif et brutal décida d'extraire la dent malgré l'avis contraire de l'intéressé. Celui-ci protesta, risqua le mot de charlatan, reprit son chapeau pour s'en aller. L'irascible américain se fâcha tout rouge, et la querelle s'envenimant, il tomba sur son patient à coups de poing. Agile, entraîné à la boxe, le français eut le dessus. Il sortit du cabinet en y laissant, au lieu de la molaire menacée, un dentiste roué de coups à demi assommé. Instruit de ce haut fait, quelques jeunes hommes du clan américain se prirent d'une chaude admiration pour le boxeur français. Ils l'adoptèrent, le présentèrent à leur sœur. Émile leur apparut comme un parangon d'esprit parisien, un garçon très drôle et bon à ménager si l'on voulait obtenir des mentions élogieuses dans les comptes rendus des fêtes du Caire adressées aux journaux de Robinson. Les Américains lui avaient emprunté cette appellation de maître de la mer qui flattait leur patriotisme en exaltant la puissance de leurs grands concitoyens. Lorsqu'il s'avisa de féminiser le titre, à l'usage de la future Mrs. Robinson, le mot fit aussitôt fortune dans la coterie élégante d'Ismaélier. Un soir, en revenant du théâtre, où Archibald avait fait d'une façon significative les honneurs de sa loge à Madame Fianona, la duchesse entra dans la chambre de son amie, le sourire aux lèvres. « Eh bien, chérie, vous aviez raison. Vous aviez vu mieux que moi, c'était bien un intérêt. Plus qu'amical, comme vous disiez à José. Mes compliments. Moucheron vous a déjà surnommé la maîtresse de la mer. Quel dénouement de conte de fées, et que vous méritiez si bien, après ces épreuves gentiment supportées. Venez que je vous embrasse. Et pressons les choses. Il ne faut pas faire attendre le bonheur. Je suis si heureuse pour vous. » « Il n'y a pas de quoi, » dit en riant Millicent, « et je n'accepte pas les compliments. Que voulez-vous dire? Que je ne songe pas le moins du monde à couronner la flamme de M. Robinson. Vous êtes folle. » Et Peg, n'en croyant pas ses oreilles, confessa, chapitra sa déraisonnable amie. Devant la résistance qu'elle rencontrait, Madame de Lovrin eut un langage presque sévère. Elle remit sous les yeux de Millicent toute l'horreur de la situation où la pauvre femme allait se débattre après leur retour à Paris. Elle lui ferma la bouche dès qu'il fut question de Tournoel. Il avait plongé, on ne savait où, il était mort pour celle qui s'obstinait à l'attendre. « Mais, insista Millicent, ne me disiez-vous pas l'été dernier que nous étions faits l'un pour l'autre? Vous m'encouragiez alors à espérer, à persévérer, en dépit de tous les obstacles. » Pouvais-je prévoir le coup de foudre d'Archibald et le revirement de l'autre? Voyons, que vous a-t-il écrit? Peg la força de s'expliquer sur l'unique lettre qu'il eut écrite. Elle en prit argument pour dire que tout était bien fini avec cet homme oublieux, injustement prévenu. Elle quitta Millicent en la priant sérieusement d'y réfléchir, en refusant d'admettre qu'une créature douée de raison pût sacrifier à ses lubies un avenir qui aurait comblé les vœux de toutes les femmes. Jusqu'à ce jour, la bergère qui refusait une couronne avait pris assez gaiement son rôle de fiancée récalcitrante, jouissant de l'envie qu'elle excitait chez toutes ses rivales, avec une certitude intime de ne la justifier jamais. Elle redevint triste après cette conversation qui lui ouvrait les yeux. Elle se rendit compte de la formidable pression qu'allaient exercer sur elle les gens, les circonstances. Elle sonda l'abîme de misère d'où aucun secours humain ne la retirerait. Si elle mécontentait Madame de Lovrin, son unique appui. Peg ne lui avait dit que des choses très raisonnables, ce qu'aurait dit tout être sensé. Tournoel ne donnait plus signe de vie. Qu'il fût mort pour elle, Millicent n'en voulait pas faire à d'autres l'aveu, mais nul n'en était plus persuadé qu'elle-même. À partir de ce moment, des idées de résignation s'insinuèrent dans son esprit. timide d'abord et repoussé avec colère, bientôt plus tenace et plus lâchement combattue. Elle n'était pas une jeune fille, elle avait l'expérience d'un premier mariage de raison. En somme, que lui proposait-on ? De recommencer la vie qu'elle avait toujours vécue, sans grande joie et sans grande souffrance, avec la gêne domestique en moins, cette fois avec toutes les satisfactions matérielles et extérieures qu'elle n'avait jamais connues, avec l'orgueil d'être une des premières dans le monde et le pouvoir d'y soulager beaucoup de maux. Elle avait fait un rêve, très doux, très court. Il était allé où vont les rêves ? Restait la vie, telle qu'elle est, médiocre pour l'âme qui voudrait plus, désormais brillante à tous autres égards, comme l'est rarement une vie. Pas mauvaise, il ne serait pas mauvais. On le ferait même très bon, elle en était sûre, en adoucissant ses rudesses avec l'atmosphère d'affection qui lui manquait. Il ne serait qu'étranger, de cœur et d'esprit, dans le trésor secret où elle sentait qu'il ne pénétrerait jamais. Toutes les femmes ne sont pas faites pour le bonheur. C'est déjà beaucoup d'être assurées contre les calamités qui accablent tant de misérables. Qui m'ont accablée jusqu'ici, pensait-elle. Quelques jours après son entretien avec Peg, en se dirigeant vers le piano dans le salon de l'hôtel. Sa main erra sur les touches, sa voix murmura le dernier couplet de la romance d'Heilbronn. Il avait rêvé d'être vôtre, ce pauvre cœur irrésolu. Vous aurez ouvert pour un autre le livre où vous n'avez pas lu. Archibald entra, des télégrammes à la main. À mon grand regret, chère madame, je suis obligé de m'absenter. J'ai remis plusieurs fois, je ne peux plus différer les rendez-vous d'affaires qui exigent ma présence à Alexandrie, à Port Saïd. Et je veux pousser une pointe dans le golfe d'Alexandrette, reconnaître l'emplacement du port que mes bateaux desserviront au jour prochain ou une ligne asiatique qui viendra déboucher. Je serai de retour au Caire dans la huitaine, prêt à vous ramener en France avec la Duchesse. Je n'ai pas voulu vous importuner de mes instances, elles ont été mal reçues. Mais laissez-moi espérer qu'avant de quitter l'Égypte, vous me direz quelque chose de plus encourageant. Je vous redirai que j'ai une sincère affection pour vous. Et vous ne m'en donnerez jamais une preuve, vous ne direz jamais le mot que j'attends, qui me rendrait très heureux, oh vraiment très heureux, cher ami. Il y avait dans son regard, dans sa voix, une émotion qu'il maîtrisait, avec un effort sur soi-même dont elle lui sut gré. « Je voudrais ne jamais rien dire qui vous fît de la peine, » ajouta-t-elle en lui tendant la main. Il la prit, la retint un instant, s'inclina sur le bout des doigts. Elle le laissa faire, passive. Lorsqu'il fut parti, cette main retomba dans un geste de lassitude résignée, le geste du vaincu fatigué d'un combat inutile.